silure de Silo Hind à Brezonuk. Silure de retrouver Hind à Brezonuk. On se retrouve pour l'émission Hentar Brezonek. C'est toujours Henri qui nous guide depuis longtemps et de manière fort agréable sur les chemins de la lande bretonne chaque semaine. Bonjour Henri. Oui, bonjour Morgane. Hentar Brezonek, Kentel, Kan, Perhan. Perhan, on en a Triugen. Perhan, on en a Triugen, ça fait 461. 461, voilà. Et aujourd'hui, alors, j'avais pensé, on était parti un peu dans les... dans les suffixes, là, et j'avais pensé parler de celui du suffixe « adec », « adec », donc qui permet de créer des mots, hein, des néologismes, et aussi, en fait, c'est un suffixe traditionnel qu'on trouve dans des mots comme « varadec », par exemple, hein, dans des vieux mots, hein, « varadec ». C'est quoi « varadec » ? « Varadec », c'est le défrichement à l'aide d'une « houe », qu'on appelle Hervar, donc la mare en français, hein, avec deux R, et donc défrichement, donc qui était une action collective. Hein. Mais oui, il y a une chanson là-dessus. Hervaradeg, hein. Ouais. Et donc on réunissait un certain nombre d'hommes forts, hein, et puis il y avait une sorte de compétition entre eux. Hein. Ils avaient chacun une parcelle à défricher qu'on appelait l'Odvar. Et puis le but c'était d'en faire un peu plus que sa part et puis d'être le mot un peu dans la. Il y avait de la compétition. Il y avait de la compétition, hein, Hervaradeg. Hein. Et donc c'était une alors c'était pour préparer des terres qui étaient qui avaient été laissées de côté pendant un moment d'Ouarkos pour les remettre en culture. Et on enlevait, il y avait des genêts, tout ça. Enfin c'était très très dur physiquement. Et ça se fait avec une houe qui est très très large, hein, pratiquement c'est un disque, hein, et avec un angle par rapport au manche qui est très faible. Donc il faut tirer, il faut travailler à l'horizontale. C'est très dur à faire, quoi. Sur les terres incultes. Sur les terres incultes, voilà. Donc et justement ce suffixe adek, hein, est souvent utilisé pour des actions qui se font comme ça en commun. Par exemple, il y a tenadeg. Hein. Alors, ce sont toujours des mots féminins. Hein. Donc, on dira un tenadeg. Hein. Tenadeg pato. Hein. Il y a une chanson qui évoque ça aussi. Hein. Donc, action collective, hein, qui était un peu agence matrimoniale en même temps, autrefois. Voilà, ça permettait aux gars de faire un peu les fiers devant les filles. Ouais, et d'avoir toutes les filles du village qui étaient là en même temps, c'était pratique aussi, voilà. L'arrachage des patates. Voilà. Et donc, oui, il y a une chanson qui est chantée en particulier par les sœurs Guadec, hein, qui raconte ça. C'est assez amusant, oui. Alors, un peu dans le même genre, Valradec, hein, Valradec. Donc, c'est la fauche, hein, fauche collective, hein. Alors, Valherjen, hein, il y a une très belle chanson aussi, Valherjen, hein, où on rassemble 18 costauds, là. Et puis, là aussi, il y a une compétition entre eux, hein. C'est exactement pareil dans le bal ficelle, ils sont aussi 18 pour aller faucher dans Falhorbras. Oui, oui, 18, voilà. Ouen Trirwer Barzanvanden. Voilà, oui, oui. Ouais. Alors, toujours dans le même genre, Naradek, hein, Naradek, c'est le labour, hein, l'action de labourer, quoi. Ah oui, Larar. Ah, oui, Narar qui désigne la charrue, hein. Et qui est désigné l'arrière autrefois, quoi, la charrue primitive, là. Voilà. Alors, il y a pas mal de mots qui se terminent comme ça, en adeg, hein. Par exemple, spontadeg. Spontadeg, c'est une panique, hein. D'accord. Ah, c'est un joli mot, ça. Ouais, alors, spontadeg, hein. Voilà. Alors, redadeg, bien sûr, on va pas l'oublier, hein. Redadeg qui a été popularisé par la Redadeg, comme on dit. On dit qu'on prononce mal. En français, on dit Redadeg. Voilà. La Redadeg, hein. Alors le pluriel c'est Redadegou, hein. Oui, puisque adeg va donner égout à dégout au pluriel. Voilà. Il existe aussi la forme Redaden, hein, qui serait plutôt peut-être plus individuelle. quand c'est en Aden, en général, c'est plus individuel et Adek plus collectif. Mais c'est pas une généralité. Alors, collectif aussi, on vote Adek, hein. On vote Adek, hein. Élection. Et il y a eu pas mal de chansons sur les élections aussi, hein. Dans le temps, il y avait pas mal de chansons au moment des élections, par les partisans des rues ou des gouennes, hein, parce que dans le temps, c'était plus simple que maintenant. C'était peut-être plus rigolo, hein, d'ailleurs, que des chroniques ou des tribunes. Ouais, c'était. Il y a des chansons qui sont pas mal là-dessus, quoi. Alors, c'est pas toujours une action collective, hein. Il y a des cas où c'est d'autres choses. Par exemple, Zonadeg, un concert. Labouradeg. Alors, Labouradeg, c'est un lieu. Soit un atelier ou une usine, par exemple, hein. Voilà. Ou Lahadak. Ah oui, j'ai dit Spontadak tout à l'heure. Lahadak, donc c'est un massacre. Hein. Lahadak tut. Hein. Le massacre de la Saint-Barthélemy. Lahadak. Hein, le 24 août. Hein. Voilà, c'est pour ça que la Saint-Barthélemy... En fait, c'est pour ça. Le massacre s'est produit le jour de la Saint-Barthélemy, et non pas l'inverse. Dilojadak. Un dilojadak, c'est alors là c'est un mot intéressant parce qu'il y a un préfixe qui est di et un suffixe qui est adak et loge au milieu, donc un déménagement, un dilojadak. Hein. Il y a beaucoup d'histoires sur les déménagements, hein, en particulier dans les années 30, des déménagements de nuit, hein, quand les gens n'arrivaient plus à payer leur fermage, ils partaient la nuit avec leurs bêtes et leur matériel pour des destinations inconnues. Oui, voilà. Bon, Niveradek, c'est le recensement. Alors, Hwarzadek, c'est un rire collectif. Hwarzaden, c'est quelqu'un qui rit tout seul, et Hwarzadek, c'est un rire collectif. Voilà. Et puis, on va terminer par Diskwezadek. Diskwezadek, exposition. On entend souvent ça à la radio maintenant, hein, un diskwezadak. Voilà. Et avec ce suffixe-là et d'autres, on peut créer beaucoup de néologismes. Si bien que la langue bretonne s'adapte parfaitement à toute évolution, puisqu'on a les ressources pour créer des néologismes. Alors il y en a qui n'aiment pas les néologismes, mais il en faut bien. Hein, pour qu'une langue s'adapte, il faut bien avoir des néologismes. Eh ben, on va s'arrêter sur Diskwezadak. Bon, et on passe à la seconde partie, Brison Nectan Matan. Thank you. part à Zantoluk, ce village idyllique situé entre Pumrit, Trémargat et Malpestivert. Non, Pumrit et Trémargat. Pumrit, Trémargat, Lanrive. Trémargat et Lanrive. Voilà. Un village où tout le monde parle breton et où Chanik travaille à la radio. Elle va aujourd'hui voir le curé, Iwan. Oui. Iwan Ndu, elle était allée avant le pardon et elle est revenue après le pardon pour faire le compte-rendu. Salut, autre personne, penosement compte. Ma triche, Chanik. La Dinta, très médémade, pardon, en terme, ma chapelle Kérisel. Ya, ma triche, Chanik, calze du doigt, ben auvergne d'Orbeuré, à Tiemodel de Naberdeg en Orgus Pérou. À Calzedut, au chômeux de Vidorwariou, Jécha de Noir Drode, Reda de Guar, non, Jécha de Noir Gordon, Reda de Guar Drode, Basiout, Gouren, Agivé et Viljus, Vihuari Boulou. Croguedman, ne s'entendad? Ya, Glebois, on tend moi l'aigne, mais de roi d'oisir. Ah, quand ne rien dut? Ya, un dut de blichetek, quand en braison, ne, pis ne vec gré de Gualali, Jiwas, Bailis, Jouervro. Ben Obla, vos grès de roi zar pardon de Ganor. Ya, m'avait volonté doué. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue entre Chanik et Iwan Ndu, le curé. Salut d'autres ou personne, pénoncement compte. Oui, comment ça va? Ma très, Chanik. Très bien, Chanik. La Riddinta, très ménédmade, pardon de Zanterne, bas chapelle Kérisel. Oui, est-ce que le pardon s'est bien passé à Saint-Ernin? Le pardon de Saint-Ernin à la chapelle de Kérisel. Ma très, Chanik. Très bien, Chanik. Il y avait beaucoup de monde. Calzadut Wabed Banoverne, d'Arberé, à Kemendal, Vidargousperou, d'Anabdeg. Oui, il y avait beaucoup de monde à la messe le matin et autant pour les vêpres l'après-midi. Calzadut Azo Chomet, Vidarwario. Et beaucoup de gens sont restés pour les jeux. C'est Chade Noir Gordon. Alors, tir à la corde. Reda Degwar Droit. Oui, course à pied. Basiout. Basiout, c'est Basiout. Gouren. Gouren, c'est Gouren. À Guillet, vite Roari Boulou. Et aussi pour jouer aux boules. Croguedman, ne se tentat, demande Chanik. Oui, le tentat a bien pris. Ah, ya. Glebe Wantom, Wallein. Mais oui, il était un peu mouillé sur le dessus, parce qu'il y avait eu de la pluie la veille. Mais à Roi d'Oiser. Oui, le bois était sec, quoi, donc ça a pris quand même. À quand ne rien dut. Et les gens chantaient. Ya, Azur. Un dude à Blige des Gandans et Brezonec pèse des vecs et grettes qui n'a pas la église. Oui, les gens aiment bien chanter en breton, ce qu'on ne fait plus malheureusement, souvent dans les églises du pays. Benobla, vos grès de roi zar pardon de Gandor. Oui, l'année prochaine, vous ferez encore le pardon. Ah, ya, m'avait volonté doué, Chanik. Si c'est la volonté de Dieu. Eh oui, parce qu'il est âgé, Iwan, c'est ça? Il est vieux, oui, il est vieux. Eh bien, on passe à Petrazone Vervo maintenant. C'est toujours Entar Brezonec avec Henri Le Naou. Au Nevervo, Eri. Ben, calze-droz au Nevervo et veljus boervej di ouzan. Grogom de Diantan, Velkiz à Custum, Gandelar Bourdouar, Agavu et War Armes. Eruon Bremen, Bakreis et Neve Amzer, Kalze Labour, Yozobe Gret, Baparkei et Revro, Agen Amzer, Zobe Bra, ou Bamizebre, les Vidor Labour, Yo, Mames Babisme, Neketin Kouls. Awardash, Nelar Bourdouar, Vejme, Nelaring, Kalze Drou, Belan Vegel, Matrezen, Volar et Mur. Ham de Gombs on Tom de Zenendro. Hugen Vlasso, Wabet Gret, Babrovrance, Trégon Milton Mill, Wababrovrance de Bez, hein. A Gewarland et Wak Begred med Deg Milton, hein. A Gansi, ze Nakema den Trog en de Gwenand, a Gand Wenand Aérienne. A Gbon, quelques QDN ou zo, de Square, Gand Londe Vegred in Gal, a Frelon Asiatique, hein, zo Wispen de Sboasi. Hag gwellare de bon e aipoan lor an dra benek de vid had lans an gwenan bavro. Chomo montam war an endro, ba plou gant ver zo rak tres, evit zevel tourio avel, d'ober tredan, gant ur stal zo hang ne de Maya e Olis. Hag ma ve fe be gret an draze, ve fe be gret c'hwer tourtan, quand a hanter quand met ude uelder hag bon zevev e begret tre plus grand ver logivi plus grasse ou anke da gen vos gred mais gwellet vos kom zan mon tan bremen de zor politik eres war vejen amzor vek lev kom de zor broyou e veloen bekrou et gand lezen pasqua a walerze gand lezen voanet. Hag bon l'ard oa bet or mar e oa bet oa bet l'ard et vije bet gret gant ur broiouze vije bet l'ak ur broiouze ba plas un département chou. Mais bon, un département chou zo chomet hag ne ke gwals kler pe sa stad man bremañ ur broiou an eut voane. Breiz zo onan oar nugen, ur bro oar nugen, hein. Et vel da square ur vro cob, hein, zo ba kreiz breiz. Hag, ba, war bla de zond, war pem bla de zond, pe la rin mat, vo ro et per an million de roio, ou d'or broio, e breiz, gant e rand vro, er an deus ur rand vro, met i ve deus bro Europa. Hag an se, ma trezen vo moyen d'or kalze trao. Vidor parouzio, vo ster den trao, ba blave zo de zond, pu dur vo digres ket, un air en haut grand stade zikourio ag bon sais-tu bonne vie de barouge vous diezen trou au roi ag zezo cause zo calze barouge ou jonge à ma trezen non là quatre semblez hein et vide comme ne te refrais je vide pezel de air en barouge puis dur vos isolé de un air en Zuroar et vos neptés de Rohinchou, d'Orza Vadurio, à Gazé, et Veljus, n'est que mode vide Nimplijou, Bavro. Bonne Babro, Orméné, vos grès d'Or Barouz, Neve, à Zohan, veut le Méné, à Gazé, voilà que Seis Parouz, d'Oberzé, Colliné, Le Gouret, Langourla, Zanjaku, Orméné, Zanjili, Orméné, Plessala, Zangueno. Hag barouzeur eis pen c'hwer milden, vo bar spen c'hwer milden, a honz o barouz bras an vo, ba breiz gant eizugen kilomet kare. A ma trezen ba lerel vo gret an tamm ma meus mod, quoi. Pudur zo ar lezen, hein, lezen notre, hag glask just mal de bodan ur parouz o. Hein. Bon. Dèk vla trug un zo, oa bet de ze oa de no ar nug un mizebel, oa e de mer de voto vid ur vez tiantan. Vid vota degou ur paroujou. Hag bon, meus ke jonj de se, puis ur oan ke gant roaz, met de me mom goz, n'en deus komz etin alise de se, puis ur me mom goz oa noble ar hantor kant, pe oa ni oa gal monte foto vid ur vez chanta. Hag ga eze diez, pe dior velar e neus vors pe sa koz toi ad deus e botret ale monte foto a mi oan ke vi mont. Hag bon, setu oa be kontant me mestra dont te foto vid ur vez chanta. Votre déjà voté pour Milleis Canneis à Dougen, quand la rogue. Tout de votre car rogue, rogoise, vigec, mais de rébine, vide, ni ou droite de voto. Bon, dans moi, Wardash, une économie, son temps, Stal Far West, en or et d'art Stal Far West, Stal Arabre Iscola, ya, hag zo han ave de mand, vraiment, hein, stal yode ba, ba morbien, hein, ba bourg, ba saint, ror saint André, hein, hag nevesso n'un gred Eva Jouel, da skouir breiz te, yann a ne breiz agrum, hag stal zer a ive, peudur, bir lan selo, ve gred gante, zo stag de Sfar West, hag bon, Gwell ar eind zo moyen d'or trao e breiz. Kalz bir vegret o bern a bromen. Bon, der mal zo begret gist, me vraiment vegret bir a kola, bon. Milon ke gwell du edo a hola, me bo pet not. Bo a bir. Bo a bir, kentoria. Kentoria. Dan mon tom, na an war dachen zevena dur. Un DL, ba, enfin, Ze oa ba mizé, bel ba pondi oa dedioson evit kant ur bobl, hag bon edouen d'or an tamm tro enan, hag meus bez plijadur, hag klev meus kalz draou, hag gwell meus a zo oa zon erien, kant erien, klasou bugale, kont erien, bon ne ke bra gwell tout, na, c'he de mont de vel an tamm pe pra, met bon kalz draou meus bez gwell a klev trao ger. Hag Jean Jalran pe oan enorm me mestra, ma vi jebe l'on tan mioul gant e biolitikour, yon a gant penou braz ve l'estradurus, vi jebe moyen me mestra d'or an dra beneket vid ze vena dur breiz, peudur zo kalz dut hag zo labour a doarze, met jiu az nink e gizikour kalz. Bon ma trez en zete yor vech peneket. Hendel bavro zo kalz draou, Ma castel leur or hugu vo gred par de nan, un disquezad gwar a blantenou, ve implige de vid yar ad un dut, vige implige de yar ad un dut gwejel, hag mamez hud un di, a zo moyen de d'implige ur blantenou ze pe ve gwar ad ober. Un DL vejo la randar tu d'ave ed de nanang, a vamoet nanang Pierre Duclos. A Pierre Duclos, bon zo, ne zo den a zo bet gazetener, hein, de diant an tout doa laboureur douar, oaet de gazetener, hag oaet de labour ad vid la Croix, le Monde, Ouest-France, met de amman oa muor hand de pudur oa bechom bakre rouan de Melpistien, ani oa gred ur gelaouen, a oa le canard de Nantes à Brest. Ma trez un peu jonge, je sais. Hag ur gela oen ur gazet an a oa fentus, re keleier de ce vro, nor mo de fentus an tom, quoi. Bon, n'oa ke pa de pel ar gazet an zem, et bon, mi gaze plijus. Alize ve kont de am de breiz de ze livourien, pudur zo be kal ze livourien ba e breiz hag zo roas, hag zo be livourien bon vel maturin me eu, Simone Magne hag zo oaz velre vel Lucian Poedras ez blichtin kalz hag juzma de zo kalz dizik oezadegou ur mar eman ba da skoer ba mirdi lambal zo ar disko ezadeg di war ben un inizi inizi breiz vel en begwellet gant livourion vel matlin meheu a reel Hag bon hendel ba fawet, ba mirdi ur fawet, zo o diskouezad hag bad nan, war ur livour a zo hang le eri desire, hag bon zo mar pel zo bromen, spen plidio a mar, ba bla mil roan, mil no roan, Pem patrugen, hag an se, bon, ma trezen ne ke hanav gant kalz dun, me Diskouezad de Gvogret, non, warze. Bon, Hendel, zo kele yarel, roaz, diwan plij di zo hond d'ori ugen, ugen deabla, un peu dur ugen lasso a bekrou, a ze oa or, or skol ar bordou ar ok, enfin, oa ke l'ar bordou ar, mais or skol vid dindan ministre l'ar bordou ar, vid, vid mer a dreistol, a pe oa bezer a de skolz, oa bed hygiene d'obor skolaj diwan. C'est une bonne Hugen Lasso n'est que fal à Cresqueneuse Boué à Mondramon. C'est une la rampe chansoise de Ziwan à bonne Tien Norvégien n'a rien de tout d'un dut. Kenavo Eri. À d'art Tien Medel. Keno. Tienon.